بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب on a déjà pris la muraja'a أمس, donc maintenant on peut continuer. Une faïda à ajouter, lorsque je lisais le tahqiq de Fath al-Majid de Cheikh Mohamed ibn Huzam, en ce qui concerne le cobre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le masjid, il a précisé, il a apporté un kalam d'un Nawawi, rahmanallahu ta'ala, qui a dit qu'en fait, cela est arrivé, c'est l'un des umara, l'un des gouverneurs qui a fait cela. C'est Al-Walid ibn Abdul Malik. C'est lui qui a fait agrandir le masjid, dont cela a causé que le cobre s'est retrouvé à l'intérieur du masjid. Et qu'il y a des ulama qui ont blâmé cela. Jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas une chose sur laquelle Jani a. Ce n'est pas une mas'ala, une shari'a qui a été faite. Ça revient comme il avait dit. L'imam Sanani, c'est une mas'ala d'Auliya, voilà, d'Aliliya. C'est un truc qui est lié au fait des gouverneurs. Donc on ne prend pas cela comme preuve, comme le font les soufis pour entrer des koubours dans les masajides. Cela a été fait de la part d'une personne, d'un gouverneur. Et des sahaba ont blâmé cela, comme on l'avait dit, c'est pas d'accord. Et des ulémas ont blâmé cela jusqu'à ce jour. Et quoi qu'il en soit, il a fait en sorte que le cobre ne soit pas dans la qibla. طيب الآن سندخل في باب جديد وهو ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وصده كل طريق يوصل إلى الشرك c'est-à-dire le bab que le prophète صلى الله عليه وسلم tout ce qu'il a fait comme cause pour protéger le tawhid et tout ce qu'il a fait également pour fermer toutes les portes qui pourraient mener au shirk. Al-Mustafa, à la base, c'est pris de As-Safwa. As-Safwa, c'est la pureté d'une chose. C'est la pureté d'une chose. Ma'khouz bin Zalik. Et à la base, c'est le Mustafa bilata, lakin pour une illa sarfiya. C'est devenu un temps, Inch'Allah, dans les kutub de sarf. La halaka, t'atallam, yani, arkem, qu'est-ce qu'on met un ta, qu'est-ce qu'on met un sod, ou un réel zalik. Donc le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, est venu protéger les tawhid, et cela, par toutes les voies menant au shirk, qu'elles soient, yani, bil akwal, ou afal et shirkiya. Par les paroles, les actes qui mènent au shirk. قال الشيخ ابن باز تحت وهنا ذكر الوسائل الفعلية لحماية التوحيد من الشرك وفي باب حماية التوحيد وصد طريق الشرك وسيأتي ذكره في الحماية القولية أي حمى التوحيد بالتحذير من الشرك وما يوصل إليه من أقوال وأفعال Ça revient à ce qu'on vient de dire et ça a commencé cela depuis les bêtes précédents comme le fait d'adorer Allah, mais le fait d'égorger pour Allah dans un lieu où on égorge pour autre que Allah, ça c'est pour fermer les portes. Le fait de ne pas adorer Allah auprès du cobre, fermer les portes. De mettre en garde contre le rouleau des salihines à l'avance, fermer les portes. Et également, les choses qui elles-mêmes sont du shirk en soi, et qu'il a enseigné aux compagnons et à la Ummah entière de ne pas les faire. Elles ne sont même pas des wasaïl, elles sont du shirk en soi. Asghar ou akbar. Ça dépend. Qala al-mu'allifu rahmallahu ta'ala. Wa qulullahu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anittum harisun alaykum bil mu'minin ra'ufur rahim. Dans le sens où Allah il a dit, certes vous êtes venu un messager de vous-même sur qui pèse lourd ce qui vous touche et qui est soucieux de vous. et qui est soucieux de vous. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا وصف له والخطاب لقريش وللأمة كلها ولهم خاصة لأنهم يعرفونه يعرفون نصبه وأنه منهم وفي قراءة شاذة من أنفسكم من أشرفكم. Donc là c'est cette description en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le discours est tourné vers Quraysh à la base et pour la Umma. Mais cela a été tourné vers Quraysh parce qu'eux, ils le connaissent. Ils connaissent sa descendance. Ou plutôt, ils connaissent sa lignée. Non, sa lignée. Et dans une qira'a qui est chaz, qui est marginale, c'est pas, il n'a pas été dit « min anfusikum » ou « lakin min anfasikum ».« Anfas », c'est l'ism tafdil nafis, c'est-à-dire la chose la plus précieuse. Quand même. A dit « parmi les meilleurs d'entre vous ». Qal « azizun alayhim anittum » أي شاق عليه أي شيء الذي يضركم ويتعبكم لرحمته بكم وحبه لكم وحريص على هدايتكم وتحذيركم من النار بأعماله وأقواله. C'est-à-dire qu'il est compatissant envers nous. Il est peiné parce qu'il nous touche comme chose qui nous fatigue et qui nous nuit, pour sa grande miséricorde envers nous et pour son amour pour nous, et qu'il est soucieux de notre guider. Et il nous met en garde contre toutes les choses qui mènent au feu, qu'elles soient des gestes, des actes ou des paroles. قال وهو رؤوف بالمؤمنين عطوف عليهم ولكنه شديد على أعداء الله لكفرهم وضلالهم فهذه أوصافه فإن كانت هذه حاله فالواجب اتباعه ومحبته ولكن حصل العكس فعدوه حتى أرادوا قتله. Donc lui il est quoi, les miséricordieux envers les croyants et compatissant envers eux. Cependant, il est dur envers les ennemis d'Allah. Envers les ennemis d'Allah pour leur mécréance et leur égarement. Donc, telles sont ses caractéristiques. Et quand on les a connus, il est obligatoire de le suivre et de l'aimer. Cependant, il s'est passé le contraire de la part des gens en général qui, eux, se sont opposés à lui et ont voulu le tuer. ثم من كانت هذه صفته فإنه لا يترك أمته بدون نص ولذلك أمر بالتوحيد وحث الناس على الاستقامة وحذر من الشرك وأسبابه بأقوال الكثيرة كحديث لا تترؤوني كما أترأت النصارى وإياكم والغلو هلك المتنطعون وعلى ذلك. Donc celui qui a de telles caractéristiques, c'est celui qui ne laisse pas le conseil pour la Umma. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'accomplir le tawhid et que les gens se mettent sur le stikama. Et il a mis en garde contre le shirk et contre les causes menant vers le shirk. Et cela à travers beaucoup de paroles. Comme sa parole où il a dit, ne faites pas mon éloge exagéré comme l'ont fait les Nasara avec Isa, où il a dit, prenez garde au roulou, où il a dit que périssent les exagérateurs, les mutanat tiroun. Donc ça, c'est ça le hal du nasir, c'est conseil la Ummah, réellement. Quand il y a une chose qui ne va pas, il leur dit. Il ne se tait pas sur le batil par diplomatie ou par concession. Il dit ce qu'il y a à dire. Quitte à, par la suite, a été prouvé. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم كبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات وهذا صححه الألباني سنة أبو هريرة qu'il a dit صلى الله عليه وسلم ne faites pas de vos maisons des tombes et ne faites pas de ma tombe un lieu de عيد, de célébration, et faites la salat sur moi, car c'est votre salat matin où que vous soyez, rapporté par Abu Daoud et Kada, authentifié par l'Albani. À la base, Eid, un ta'alif, c'est bitakrar al-maji ilayhi wa du'a indahu. Al-Eid, c'est une chose qui se répète à un moment particulier, pour une occasion particulière. Donc, c'est une forme de célébration. Donc, il ne veut pas qu'on fasse cela en venant près de sa tombe pour faire des du'a ou pour faire la salat auprès de lui, ou pour faire de l'istirafa par lui, Mais le fait de visiter son kabr, sallallahu alayhi wa sallam, sans faire shad al-rihal, c'est-à-dire sans faire de voyage entrepris pour cette cause-là en particulier, le fait de faire une ziyarat de son kabr, c'est pas un id. Quand tu es à Medina, mathalan, et que tu passes par le masjid al-Nabawi, tu visites son kabr, c'est pas un id. C'est une chose qui est mashrou'a à la base. Mais toi, il ne faut pas que tu entreprennes un voyage en but de visiter son kabr. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, pas de voyage que pour les trois masajids. Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Nabawi ou Al-Bayt al-Maqdis. Tu ne pars pas en voyage pour visiter quelque chose par rapport à la religion, si ce n'est ces trois masajids-là. Je pars pour visiter un lieu particulier. Ah ben maintenant, pour un fait particulier, c'est autre chose. Demain, tu voyages pour Talab al-Ilm, ou tu voyages pour faire une ziyara des walidain, des amis. Là, il parle du fait de se rendre en un lieu particulier. Amen. Et cela, en vue de ibad, bien sûr. Par exemple, demain, tu as un nouveau masjid qui a été construit, je ne sais où, dans une ville en France. Et tu n'as, à la base, tu n'as pas de hajj à y aller. Tu dis, khalas, viens, on va voir le nouveau masjid, comment il est et tout. On part là-bas pour voir le masjid. Ça, tu ne le fais pas. Maintenant, s'il y a un truc particulier dans ce masjid, Salen, l'imam, tu le connais, ou c'est un cheikh, hein, ou il y a un fait qui s'est accompli, Salen, il y a une dawra ilmiya qui se fait des douros, une muhadara, une ziyara d'un savant qui vient, naam. Mais tu vas pour le masjid en lui-même là-bas, alors qu'il n'y a pas de haja, là. Tu ne voyages pas pour aller voir le masjid. Le hadith, il explique comme cela. Maintenant, si tu passes par là, tu dis, tiens, on va voir le nouveau masjid, comment il est, tu vas le voir. Mais tu pars, t'as niya de là où tu es, un safar, pour ça, ça a l'air. Et ça, c'est un rod aux mouridines qui vont faire un voyage pour aller à Touba au Sénégal, qui font même le hajj. Ou ici, les soufis, lorsqu'ils vont soi-disant visiter le Kobe de Houd, qui soi-disant trouvé ici, alayhi salam, tous les ans, ils font une visite annuelle. Et ils font plein de munkarat là-bas, de shirkiyat. Et t'as des awam, y'a ruddun alayhim bi misla del hadith. Parce qu'ils partent là-bas pour visiter une chose particulière. En vue de ibadah, qui est liée à la religion. Naam. Donc, il fi qawlihi. Donc, naam, visiter le Kobe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est mashrou'. Tant que tu ne fais pas un voyage pour ça en particulier et ni que tu n'y accomplis de ibad, pas du kabr. Comme cela va arriver, Inch'Allah. La tajalu buyutakum kuburan. Ne faites pas de vos maisons des kuburs. Pourquoi il a comparé cela au kubur? Car les kuburs, comme on l'a expliqué, on ne fait pas salat. On ne fait pas salat dans un makbara, auprès d'une tombe. Il n'y a pas de salat. Donc il a comparé la maison à cela, au kabr. Et il y a un autre sens, c'est le fait qu'on n'y enterre pas un mayyit, un mort. C'est-à-dire, quand demain il y a un mort, tu n'enterres pas dans sa maison. Donc, les deux sens sont corrects. Ni tu ne fais le fait que tu ne fasses pas de... ta salat comme un kabr, c'est-à-dire tu ne fais jamais la salat. Il faut faire salat. Salat nawafil. Les meilleurs, c'est où? C'est à la maison. Donc, tu fais les nawafil à la maison, faut pas que ta maison soit comparable à un kabr. Et deuxième chose, c'est le fait de ne pas y enterrer un mort. Et quand elle est au sallu alayha, c'est-à-dire que la salat que tu fais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu dis sallallahu alayhi wa sallam, où que tu sois, ça l'atteint. Le kayf, on ne connaît pas le kayf. Comment ça se fait? Car à la base, les morts n'entendent pas. Mais le kayf, on ne connaît pas. On sait juste qu'il nous dit de le faire, donc on le fait. Où qu'on soit, tu as besoin de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-la. Pas besoin d'aller à un endroit particulier pour le faire. Près de son kobre, au kaza, au kaza, ma yujad hada. Thumma qal, wa an Ali ibn al-Husayn, anna ura rajulan, yaji ila furjatin kanat inda kobre al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fayadkhulu fiha, fayad'uhu, fanahahu. Wa qala, ala uhadithukum hadithan samihtuhu, من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم كبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أو أين كنتم رواه في المختار الحديث متفق عليه قلنا عليه في برواية أخرى Selon Ali ibn al-Hussein, qui est Zain al-Abidin, qui est parmi les petits-fils de Ali ibn Abi Talib. Il est connu par le laqab de Zain al-Abidin. Il a vu un homme se rendre près d'une ouverture, une brèche, qui était dans le coffre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y entrait pour faire le dua. Alors, il l'a attrapé, il l'a interdit en lui disant: je vais vous citer un hadith que j'ai entendu de mon père, qu'il a entendu de mon grand-père, c'est-à-dire Ali, radhiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ne prenez pas ma tombe comme un Eid. C'est-à-dire un lieu où on vient y appliquer des adorations, qu'on se répète, un lieu qui se répète, la ziyara, pour une occasion particulière. Et ni ne faites de vos maisons des koubours. Et faites la salat sur moi, car la salat, celle-ci matin où que vous soyez. Donc là, comme expliqué tout à l'heure, cet homme a été blâmé du fait qu'il a choisi ce lieu en particulier pour faire cette doa. Alors qu'il n'y a pas de propriété divine à cet endroit-là. Il n'y a personne, il n'y a pas d'elle qui dit que près du coffre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de baraka ou le doa est mustajab. Ma yujad hada. Et ça revient au bab qu'on a pris avant. Annahu la yu'badullahu inda kabr rajulin salih. C'est une porte qui mène au shirk. Car les gens vont te voir faire cela et vont croire que ce kabr, il a des particularités. Wa ma ma'na salatullahi ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. نعم ces éloges. وما معنى صلاة الملائكة على العباد. C'est quoi le sens de salat des malaïka sur les gens? Ahsan istighfar. Donc si on ne prend pas le coffre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme le du Eid, فَغَيْرُهُ مِنْ بَبْ أَوْلَى. Autre que lui, à plus forte raison, comme le font des gens qui vont vers les kouburs, ce qu'ils considèrent comme étant des aouliers, pour aller commettre des actes près des kouburs. Donc là, c'est la préserver le tawhid et fermer les portes qui y mènent. Complètement. سَنَخُوذُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلَّقَ بِهَذَا الْبَابِ. قال الأولى تفسير آيات براء وبراءة كي على فا لقد جاءكم رسول. ثانية إبعاده أمته عن هذه الحمى غاية البعد كي لا إلوني سا كوميونيتي كي لا ميو بلو لوان même de ce genre de choses qui est le shirk par son enseignement. Maintenant, est-ce que cela s'est réalisé? Beaucoup de gens sont tombés dans le shirk. Dhikru hirsihi alayna wa ra'fatihi wa rahmatihi. Qu'il y ait cité le souci qu'il nous porte, sa compassion et sa miséricorde envers nous. Arabi'a nahiyuhu an ziyarati qabrihi ala wajh makhsous ma'ana ziyaratahu min afdal al-a'mal. Qu'il a interdit de qu'on visite son cobre de façon particulière. Ça veut dire que tu entreprends un voyage pour cela. Alors que la visite de sa tombe, à la base, parmi les meilleures des œuvres. C'est mashrou. C'est quand tu es sur place que tu le fais. Wa tu salim alayhi. C'est tout. Tu ne fais pas de dua dans son qabr. Et encore moins la salade vers son qabr. Ala shirk. Ala shirk. La salade vers son qabr. Ala trufi shirk. Al-khamisa. Nahiyuhu an al-ikthar min al-ziyara. Qui est interdit de faire trop de ziyara. Ça se répète trop. Maintenant, ceux qui habitent à Al-Medina et qui rentrent tout le temps au Masjid Nabawi, c'est autre chose. Ils y vont faire la salat, maktoub. Al-Sadisa, Hathuhu al-Nafila fil-Bait. Qu'il a incité à accomplir les salats surrogatoires à la maison pour éviter d'en faire des koubours. Al-Sabi'a, Annahu mutakarrar indahum annahu la yusalla fil-Makbara. Qu'il est là, il y a une affirmation qu'on ne fait pas la salat dans le Makbara. On est la salat, elle a tiré zat recours à sujoud. Ma salat al-janaza, en soi, elle, tu l'as fait. Le Makbara, il a le kobr. Ça, c'est une salat qui est chasse. Al-thamina, ta'lil dhalika bi'anna salat al-rajul wa salamihi alayhi, ou salamahu alayhi, yablughu wa in ba'ud, fala hajata ila ma yattawahamu man arada takarrub. Qu'il a fait comprendre que la salat de la personne et son salam sur lui, c'est-à-dire sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'atteint où qu'il soit, même s'il est loin. Donc il n'y a pas besoin de faire ce que certaines personnes se sont imaginées pour se rapprocher comme allant le faire auprès de sa tombe. Atasira kounuhu sallallahu alayhi wa sallam fil barzakh tu'aradu a'mal ummati fi salat wa salam alayhi. Que même dans le barzakh, qui est la vie intermédiaire, après la vie de la dunya et avant Qiyama, que les œuvres de sa umma lui sont exposées. Et là, il fait allusion à la salat qui lui parvient. Après, on a dit le kayf, on ne connaît pas le kayf. Les choses qui sont relatives au rêve, on a besoin d'un dalil khas. Si on n'a pas de dalil, le tawakaf. On dit Allah alam bi. Donc, ça, c'est le bab qu'on a pris aujourd'hui. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu protéger le tawhid et a fermé toutes les portes qui y mènent. Après le khalil qui a eu lieu, c'est notre part à nous. Comme il a dit dans le Hajjat al-Wada', Allaqad ballart, en levant le doigt, n'ai-je pas retransmis? Ils ont dit ballart, quand il est Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Il a dit Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Allah témoigne que j'ai retransmis. Et à son travail, il l'a fait tamaman. Et tout ce qui se passe par la suite, comme khalil dans les bidars, les shirkiyat, Rezalika, il en est innocent. إلا صلى الله عليه وسلم فبيد الكود نكتفي ونقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك